Chapitre 10e. Le mensonge de la mort. Paulin Broquet restait seul, reprit la tête de femme et se remit à l'étudier. Puis, au bout d'un assez long moment, il murmura « Oui, c'est cela, je ne me trompe pas. Je ne peux pas faire erreur, c'est évident. Mais je serais tout de même content de voir mon opinion confirmée par la décision du docteur Robert. » Alors, reposant la tête sur la table, il dit « Pauvre femme, j'ai grand pitié. Ils ont voulu te faire jouer un rôle dans leur infamie, mais tu n'as pas su mentir. Et bientôt, je l'espère, ta tête reposera auprès du corps dont on l'a détaché. Et tu reprendras pour l'éternité ton paisible sommeil, que personne désormais ne viendra troubler. » Et il fit quelques pas devant les gradins, roula une cigarette et se mit tranquillement à fumer. L'amorce, quelques moments après, entra dans l'amphithéâtre. « Chef, pas moyen de mettre la main sur le camelot. Il a filé. » Je m'en doutais. Sa présence, d'ailleurs, était inutile. Les gens qui nous épient savent ce qu'ils voulaient savoir. C'est-à-dire que Paulin Broquet marche dans l'affaire de la tête coupée, et qu'il est venu à la morgue voir la tête. Parfaitement. Le but qu'il désirait est atteint. Alors, chef? Alors, mon garçon, il nous reste à savoir pourquoi ils ont voulu nous lancer dans cette nouvelle affaire. Paulin Broquet alluma une nouvelle cigarette, et s'étant assis sur un des gradins de l'amphithéâtre, se mit à fumer lentement, silencieusement, comme immobile, les yeux suivant les volutes de fumée. Il faisait, selon l'expression de ses hommes, le chat. L'amorce, sachant que dans ces moments il ne fallait pas troubler le chef, alla s'asseoir un peu à l'écart, alluma également une cigarette, et sans bouger, il suivit des yeux le moindre mouvement de Paulin Broquet. Des bruits de pas et des voix tirèrent le détective et son lieutenant de leur immobilité, les arrachèrent à leur réflexion. En haut des marches, à la porte de l'amphithéâtre, venait d'apparaître le docteur Robert Montreuil que Gabriel conduisait. Vivement, Paulin Broquet alla vers Robert. « Ah, cher docteur, je vous demande pardon de vous avoir fait ainsi enlever pour amener ici, mais j'ai absolument besoin de votre précieux concours. Je suis tout à vous, cher ami. Gabriel vous a mis au courant. Bon, alors voici ce que j'attends de votre science impeccable. » Il entraîna le docteur jusqu'à la table de marbre et le conduisit devant la tête. « Je veux, docteur, que vous me disiez si je me suis trompé dans mes présomptions, égaré dans mes suppositions, ou si, au contraire, je suis bien dans la vérité, si je marche dans le bon chemin. Je vous écoute. » Voici la tête de femme, coupée, mutilée affreusement, et comme Gabriel vous l'a appris, découverte dans un terrain vague aux alentours des buts de Chaumont. « Bien, alors, je donne à cette malheureuse, d'après l'inspection de ses dents, admirable d'ailleurs, de 22 à 25 ans. » Le docteur Robert souleva la tête, regarda les dents et répondit « Oui, 25, pas plus. » Je dis ensuite que la malheureuse femme n'a pas été assassinée, pas été tuée, qu'il n'y a pas eu crime, mais seulement profanation. Expliquez-vous. Je dis, docteur, écoutez-moi bien, l'amorce, Gabriel, car ceci est pour nous de la plus haute gravité. Je dis que cette tête n'a été détaché du corps que longtemps après la mort, un ou deux jours. » Pendant que le détective parlait, le docteur Robert étudiait attentivement la tête épouvantable. « C'est possible, en effet, c'est très admissible, » dit le docteur, répondant à Paulin Broquet. Celui-ci reprit. « Je dis que cette malheureuse a été mutilée ainsi un ou deux jours après sa mort, parce que je suis certain que la mort de cette créature a été une mort naturelle, douloureuse, mais normale. Elle n'a en effet laissé là que des traces de trépanes normales, habituelles. » Paulin Broquet, du doigt, indiquait maintenant les plaies. « Voyez, docteur, la découpure du nez et les plaies des lèvres. Elle montre clairement que les chairs tailladées étaient des chairs mortes, depuis longtemps sans vie, dans lesquelles le sang était absolument glacé, figé. Voyez, docteur, au bord des plaies, les veines tranchées par le couteau du dépeceur se montrent encore pleines de sang coagulé qui n'a pu s'échapper. » « C'est exact, parfaitement exact. Oui, le décès de cette femme est déjà assez lointain. Les plaies ont été faites tout récemment. » « Bon, » s'écria Paulin Broquet, « je vous remercie, docteur. Je suis donc dans la bonne voie. » « Je le crois. Parfait. Nous pouvons marcher à pas certains. » Se tournant vers ses lieutenants, il dit « Nous allons donc maintenant chercher à savoir pourquoi Zigomar. » « Comment Zigomar ?» s'écria le docteur Robert. « Vous croyez que c'est encore un crime de Zigomar ?»« Oui. » C'est pour nous hors de doute. Nous allons chercher à savoir, dis-je, pourquoi Zigomar a voulu nous donner à croire que cette tête effrayante était la tête délicieuse, ravissante, de cette adorable et mystérieuse femme rousse. La femme rousse ? Lamorce et Gabriel tressaillirent, ils s'écrièrent. Comment, chef ? Vous croyez que ce n'est pas la femme rousse ? Je suis sûr que ce n'est pas elle, déclara le détective fermement. Cependant, chef, dit Gabriel, tout à l'heure, vous, Lamorce, moi, nous avons bien reconnu la femme rousse. Nous qui l'avons vue vivante, nous la retrouvons, autant qu'il est possible de la reconnaître, dans ce misérable état, la merveilleuse femme rousse. Oui, chef, appuya Lamorce, et nous en avons été tous trois émus, saisis, révolutionnés. Paulin Broquet répondit, « Oui, mes amis, oui, c'est vrai. » Au premier coup d'œil, sous la première impression, j'ai comme vous cru que c'était la tête de la femme rousse. J'ai pu, comme vous, sous le choc de la première et poignante émotion, être trompé. En effet, ses cheveux dorés, ce teint clair, ses traits qu'on voit encore fins, jolis, ont pu m'abuser, me tromper. Mais l'illusion douloureuse a cessé après quelques minutes d'examen attentif, et quand l'angoisse a fait place à la simple analyse. Le détective poursuivit. Cette tête, mes garçons, a été préparée ainsi exprès, maquillée avec intention pour nous. Très habilement, on a coupé le nez pour que nous n'en retrouvions pas de profil la ligne précise et caractéristique. Les lèvres ont été tailladées pour que de face, nous ne remarquions pas la différence de la forme de cette bouche avec celle qui nous a laissé le souvenir de son radieux sourire. Lamorce et Gabriel anxieusement écoutaient le chef. Paulin Broquet, vivement, prit, tout en parlant, la tête sur la table de marbre et la porta sous les yeux de ses lieutenants pour mieux leur faire saisir l'importance et la justesse de ses déductions. « Docteur, reprit-il, vous ne connaissez pas la femme rousse, mais votre science corroborera, je l'espère, encore mes dires. Tenez, voyez, mes garçons. Voyez donc si l'erreur est possible. La femme rousse est d'une éclatante et rayonnante beauté de femme vaillante, forte, pleine de santé. Ses joues sont pleines, son menton ferme et charnu, rond, un peu gras, avec une fossette. Oui, chef. Toi, Lamorce, tu l'as vu mieux que nous encore, d'y voir, souviens-toi. C'est exact, chef. Sa figure était ronde, charmante, jolie, bien femme. Mais sous son déguisement d'homme, chez Zulma, même en jeune cavalier, dans la forêt du château de Briailles, même sous le masque de chauffeur sur la route d'Orléans, on ne pouvait s'y tromper. Son menton était un délicieux menton de femme. Eh bien, vois celui-ci, maigre, pointu, osseux, sans un bourrelet dessous, mais avec un creux. Quelle différence! Voyez, mes amis, voyez ses joues vides, ses pommettes saillantes. Oui, chef. Cette tête nous présente tous les caractères de la phtisie. N'est-ce pas votre avis, docteur? Absolument. Bon. Alors que la femme rousse est un épanouissement de santé, une floraison de vivante beauté, la femme dont voici la tête devait être au contraire jolie certainement, mais mince, délicate, frêle, souffreteuse. L'autre est un arbre de pleine terre, de grand soleil. Celle-ci, une chétive fleur de serre chaude, à vie factice, d'un rien fané, et qui ne pouvait vivre. « Vous avez encore raison, mon ami, » déclara Robert. « Bien, » fit Paulin Broquet. Pieusement, il reposa la tête sur la sinistre table de marbre, et simplement il dit à ses lieutenants, « Maintenant, allons-nous-en, quittons ce bâtiment lugubre, où nous n'avons plus rien à faire. Retournons chez les vivants, où nous attend grand travail. Mes garçons, en route, hop ! Il faut que nous trouvions le corps de cette malheureuse. »